Bonjour Victor. Bonjour Madame Normand. Tu vas bien? Oh, mais tu as un copain aujourd'hui. Oh oui, c'est Samuel. On va à la piscine. Bonjour Madame. Bonjour Samuel. Bon alors, passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir Madame. Qui c'est? C'est ma voisine. Elle est très gentille.